chargé de romance, comme un matin qui sourit, c'est un amour qui commence dans le printemps de Paris. Paris qui n'est à personne, est à toi si tu le veux. Mon ami, je te le donne, ce cadeau, c'est pour nous deux. Ces mots chargés de romance, comme un matin qui sourit, c'est un amour qui commence dans le printemps de Paris. Veux-tu les rues de ma ville traînant autour des cafés où les jours passent tranquilles et les filles décoiffées? Ces mots chargés de romance, comme un matin qui sourit, c'est un amour qui commence dans le printemps de Paris. Les amoureux se promènent, ils se regardent ravis. Mon ami, c'est toi que j'aime, le bonheur c'est pour la vie. Ces mots chargés de romance, comme un printemps qui sourit, c'est un amour qui commence dans le printemps de Paris.